Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 5. Haverhill, Massachusetts. Les eaux de la rivière Merrimack sont plus basses que depuis plusieurs années en cette saison. À Manchester, il y a 5000 employés de la manufacture Amoskeag qui sont sans ouvrage à cause des basses eaux. Frank McGovern, âgé de 8 ans, en pêchant, est tombé dans la rivière Merrimack à Lawrence dimanche dernier et s'est noyé. Dimanche dernier, comme le train de 7 heures de Boston arrivait à la croisée de la rue Washington, un homme et deux dames dans une voiture montèrent la même rue et, comme les barrières étaient ouvertes à la croisée, ils étaient sur le point de franchir la voie quand le conducteur de la voiture s'aperçut de l'arrivée du train. Pour éviter le choc, il fit tourner rapidement son cheval de côté, ce qui occasionna la culbute de la voiture par laquelle une de ces dames a reçu des blessures sérieuses. Un nommé Alexander Taylor arrivait à Boston avec sa sœur, mercredi après-dîner, pour aller faire un voyage dans l'Ouest. Étant à la station, Taylor fit la rencontre d'un individu ayant l'air très communicatif et qui lui dit, dans le cours de la conversation, qu'il était venu chercher sa femme, qui se mourait, pour la conduire à la maison, le priant de l'accompagner de l'autre côté de la voie où elle se trouvait pour lui aider à monter dans le train. Au même instant, survint un autre homme, qui présenta au nouvel ami d'Alexander un billet d'un certain montant pour être payé. Il n'avait qu'un chèque de banque et pria Alexander de lui prêter 150 $ qu'il lui rembourserait dans le train. Jusqu'à présent, Alexander attend encore son nouvel ami pour remplir sa promesse. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.